Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, bienvenue dans un coup d'œil dans le rétro, notre émission mensuelle. Une fois par mois, on décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local, voire même national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu habituelle, c'est Anaïk. Bonjour à toi. Ah, bonjour à toi. Alors aujourd'hui, on a une invitée. Bah dis-moi en plus sur l'invité, c'est... Mélanie, qui viendra nous parler de sa passion pour le rétro. Pour le rétro. Bonjour Nini. Bonjour à tous. Bonjour à toi Nini, on est très très heureux de t'accueillir au sein de notre émission. Et ben on va commencer tout de suite avec Nini. Ah comme ça, direct. Eh bah oui, j'ai envie, non. On va parler de quoi d'autre sinon? Ah oui, le sommaire. Bah bien sûr, oui, alors vas-y, dis-nous en plus. On parlera donc de déco. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un petit meuble qui date des années 50-60 et qu'on peut retrouver dans les intérieurs un peu rétro-vintage. D'accord. La travailleuse, voilà. Okay. Travailleuse, je ne sais pas si ça parle à certains. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et bien sûr aussi les sorties, les loisirs. Voilà. Il y a pas mal de choses hein, ce mois-ci dont on vous fera part tout à l'heure. Allez, on commence l'émission eh bien, avec notre invitée, Nini Gambette. Bonjour Nini Gambette. Bonjour Anaïk. Alors tout d'abord, on tenait François et moi à te remercier hein, d'être venu aujourd'hui donc à Fadjet. Ça nous fait très plaisir de te recevoir. Donc Nini Gambette, donc on t'appelle Nini Gambette, mais ton prénom donc c'est Mélanie. Je disais tout à l'heure. Tu posais la question de savoir pourquoi Gambette. Oui, parce que ça m'intéresse quand même cette affaire. Nini, je pense savoir, mais Gambette, pourquoi Gambette? Alors en fait, c'est parti de mon premier blog qui s'appelait L'Auguste Présage. Mm-hmm. Et mon père trouvait que c'était absolument horrible comme symbolique. Et moi, j'y voyais pas de l'horreur, mais bon. Et puis du coup, il a fallu changer tout ça. Et puis. Ça me faisait penser aux intrigantes et puis aux femmes du monde en 1900. Enfin, c'était mignon, c'était sympa. Bon, bah, écoute, ça me ressemblait. Ça te ressemblait. Bah écoute, c'est très bien. Alors Nini Gambette, Mélanie, comme je le disais tout à l'heure, donc tu es créatrice de vêtements donc rétro pour enfants et adultes, mais aussi reproductrice donc de vêtements anciens. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es venue à ce beau métier? Voilà. Raconte-nous. Eh ben, après un BTS tisme de mode, je suis rentrée à Nancy avec peu de cartes en main. J'ai un peu traîné ma bosse par-ci par-là, fait pas mal de jobs pas très intéressants. Et puis, m'est arrivée une période de chômage où je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment ou jamais de faire ce que tu aimes faire le plus et surtout ce pourquoi tu es faite. Ça, je pense être faite pour ça. Donc, je me suis donné les moyens d'essayer et puis voilà, bah, je travaille à mon édifice, pierre par pierre, petit à petit, pour devenir moins petit. D'accord, mais alors, du coup, tu as fait donc des études de styliste, d'histoire de l'art, mais... J'avais envie de te demander pourquoi. Enfin, donc t'es passionnée par quelle époque en fait, parce que voilà, il y a pas. Alors mes époques de prédilection, c'est de 1920 jusqu'à la fin de la guerre. D'accord. Et qu'est-ce pour de la deuxième? Pourquoi cette époque plus qu'une autre? Qu'est-ce que tu aimes dans cette époque, dans cette façon de vivre, cette façon de. Pour moi, c'est la modernité dans tout ce qu'il y a de plus beau. C'est le développement du statut de la femme et c'est le développement industriel, c'est la mise à portée de tous de belles choses. Et puis c'est aussi une époque historique qui me plaît énormément et qui va avec les valeurs que je défends. D'accord, ok. Bon bah. On va faire tout de suite une petite pause musicale. Benny Goodman, Nini, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup chauffer mes semelles de danse. Et bah justement, on va en profiter pour écouter Sing, Sing, Sing de Benny Goodman. Et on se retrouve juste après avec Nidhi Gambette. Encore plein de choses à vous parler. À tout de suite. Benny Goodman, Sing, Sing, Sing, donc un clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain connu aussi comme étant le roi du swing. Si vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro sur Fadjet. Vous écoutez Fadjet. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2, toujours dans Coup d'œil dans le rétro. Donc, on va vous parler aujourd'hui, pardon, donc la chronique déco, qui va s'intéresser plus particulièrement donc à un petit meuble des années 50-60, la travailleuse. Alors, François, est-ce que tu peux nous en parler? Bien évidemment, je suis un spécialiste de la travailleuse. Je suis moi-même un travailleur. Donc, la travailleuse, c'est un petit meuble des années 50-60. Donc, justement, tu le disais. Et certainement, en tant que couturière, Nini pourrait nous en dire aussi un peu plus, peut-être. J'en ai une très belle chez moi. C'est vrai, oui, pour ranger voilà, effectivement, petits, nous, on en a chiné une aussi. Donc, c'est un petit meuble monté donc sur pied à compartiment pour accessoires de couture. Il est composé de casiers qui se déplient en accordéon. Alors, c'est hyper pratique. Ça peut donner donc véritablement une touche rétro à notre intérieur. Et on peut aussi l'utiliser pour ranger un nécessaire de couture ou la détourner. Exemple type, moi je l'utilise comme une boîte à bijoux. Donc il y a plusieurs boîtes. C'est vrai que nous on aime bien détourner les choses. Voilà. Coup d'œil dans le rétro. Maintenant je pense que Nini Gambette effectivement elle l'utilise vraiment pour son. Oui. Alors on n'a pas autant d'accessoires de couture que toi certainement. Donc effectivement ranger les bijoux, les produits de maquillage ou même un bout de canapé. On peut l'utiliser comme un chevet, voilà. Toutes sortes de choses. Et les autres formes de travailleuse, donc il y a la corbeille en rotin et tissu qui servait à ranger donc ces pelotes de laine. Et on peut aussi s'en servir dans une chambre d'enfant pour ranger les enfants. Non, les peluches. Non, les peluches. Les peluches. Les enfants. On ne range pas. Alors, où on peut trouver ce genre de petites travailleuses? Eh ben, dans les brocantes, notamment, ou les vides-greniers, dans les trocs, sur eBay aussi, sur les sites de vente aux enchères, V comme Vintage, notre petite brocante aussi. Le Brocante Lab et Broken Shop. Donc, sur ça, c'est sur Internet. Si on peut les chiner dans les vides-greniers, c'est encore mieux. Et c'est souvent ce qu'on prône, parce que je pense qu'on peut leur donner 2, voire 3, voire 4, voire 5 vies aux travailleuses. Et donc, toi, tu t'en sers essentiellement, Nini, pour la couture. Et tu mets tous tes petits compartiments. Donc, chaque compartiment. Je m'en sers plutôt pour le tricot dans mon salon, parce que à l'atelier, c'est pas très pratique. Mais dans le salon, c'est bien. Dans le salon, c'est bien. Et donc, t'en as une seule ou t'en as plusieurs? J'en ai une assez grosse sur pied, oui. Qui est au bout de mon canapé. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs tailles. Nous elle, en fait, elle est petite. Hein, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formes. Celle dont on vous parle, nous, c'est celle des années 50, 60. Un c'est peu, rectangle. Avec les pieds... En compas un peu. Ouais, en compas, ouais, voilà, fuseauté. Maintenant, il y a d'autres formes, il y a d'autres... voilà, il en existe plusieurs, il en existe plein. Avec des tailles différentes, ouais. Effectivement. Ouais. Donc, c'était la... Eh bien, notre petite déco du jour. Hein. N'hésitez surtout pas, bien évidemment, à consulter notre page fan Facebook, Coup d'œil dans le rétro. Et on mettra directement la photo de la travailleuse telle que nous, on la connaît. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez aussi publier votre photo, si vous en avez chez vous, bien sûr, de travailleuse. Ça sera intéressant de voir un peu toutes les formes et d'en mettre des différentes. Allez, mes amis, il est 17h11, on va s'écouter une deuxième musique. Donc c'est la pause musicale avec Down by the Riverside de Mahalia Jackson, une chanteuse gospel américaine. Ah, ça donne envie. Prenez le temps, les chéris, il est 17h12. Vous êtes certainement dans votre voiture ou chez vous, peut-être dans le bain. On a le droit aussi d'écouter un coup d'œil dans le rétro. Dans le bain. 17h, allez. Allez, on se retrouve juste après ça, tout de suite. Mahalia Jackson. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Sur 94.2, j'espère que vous êtes encore avec nous, bien évidemment, parce que c'est que le début, enfin c'est la moitié de l'émission. Maintenant, nous sommes avec Nini Gambette, notre invitée du jour, qui nous a fait l'honneur d'accepter donc cette gentille invitation. Et bien justement, on va encore lui poser pas mal de questions, parce qu'elle a encore pas mal de choses certainement à nous dire, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc Mélanie, alors si on revient un petit peu vers toi, donc Nini Gambette, donc c'est une marque. Oui, d'accord. Donc ce sont des vêtements donc que tu fais sur mesure. C'est des, enfin, explique-nous un petit peu, c'est des commandes, chaque pièce est unique, différente, est-ce qu'on peut... Alors il y a plusieurs choses dans la marque. Voilà. Il y a la toute nouvelle collection qui arrive là, première collection automne-hiver, ouais. Donc qui est composée de pièces, on va dire classiques, qui comporte une dizaine de modèles. D'accord. Qui seront réédités par contre dans des tissus différents parce que j'achète pas des rouleaux de 25 mètres de tissu, donc une fois que j'ai utilisé mon métrage, les pièces seront les mêmes mais dans des tissus et des mix différents. Mmh. Et puis il y a les commandes qui sont des commandes sur mesure où là mes clientes ou clients, parce que j'en ai aussi, viennent à l'atelier et puis on fait des essayages. Donc là je travaille principalement pour des filles du burlesque. D'accord, ouais. Où là je fais du costume de scène pour des grands noms d'ailleurs. Donc je suis assez fière de travailler pour des filles qui tournent bien en France et qui font vraiment des choses formidables. Donc merci à elle de me donner cette chance, parce que la costumerie, c'est encore quelque chose à part du travail pur de couture. Et puis, il y a aussi les petites choses pour les cadeaux de naissance. D'accord. Parce que j'aime aussi beaucoup faire de l'enfant. Donc, du coup, là, c'est un vrai travail de création où libre cours complet à la forme, le tissu, etc. D'accord. Et puis, il y a le travail de la maille. Les différents les petits tricots, pulls, voilà, les crochet, tricots, le crochet, les voilà. Accessoires, etc. D'accord, donc ça, c'est voilà, on peut retrouver toutes ces pièces donc sur ton site, enfin. Oui, ton site donc qui est nouvellement créé, voilà, fraîchement créé, c'est ça, qui est en cours de montage. D'accord, ouais. Et en gros, qu'on pourra acheter en ligne aussi. Donc oui, j'aimerais bien, oui. Voilà, d'accord. Mais j'ai déjà une petite e-shop, oui, e-commerce, e-shop, c'est ça, tu vois, on peut être rétro et en même temps moderne. Voilà, alors, et employer un mot qui est à la fois moderne et rétro. C'est vrai, e-shop, ouais, les shops, on les utilise, oui, énormément. Et qui se trouve sur Vintagers, qui est une plateforme communautaire dédiée au vintage, voilà. Donc là, il y a déjà le magasin en place chez Vintagers. D'accord. Mais alors, du coup, tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'atelier. Donc, tu as un atelier donc sur Nancy, c'est ça? Oui. Ouais. C'est ça se situe où en fait? Il est situé au 33 rue MacMahon. D'accord. Derrière la pépinière. Et donc, on peut t'y trouver. On peut venir te voir comme ça. Comment ça se passe en fait? Bah, c'est mieux de m'appeler avant. Oui, mais tu reçois quand même les gens. Ah oui. Oui. Bah, il faut pas avoir peur d'enjamber le bazar et. Oui. D'accord. Et d'être dans un très petit espace, mais oui, je reçois à la maison. D'accord. L'atelier. Donc, quelqu'un qui veut, voilà, qui veut venir te voir ou qui est pour une commande, un vêtement, voilà, peut aussi se rendre à l'atelier, c'est ça. Ce qui est important, je pense aussi. Oui, parce qu'on peut choisir, j'ai un stock de tissus en place, donc on peut choisir et patron, et modèle, et prise de mesure, c'est quand même plus simple. Absolument génial, on peut choisir son tissu, sa couleur, moi qui rêve de cela. En fait, tu portes quelque chose, tu portes un vêtement en fait que personne d'autre n'a. Non, ça, effectivement. Enfin, nous, c'est notre kiff. Ouais, et qui dure dans le temps. Oui, voilà. On le jette pas la saison suivante. Effectivement, ça, c'est un peu dans la consommation. C'est un autre mode de vie en fait. Voilà. Mmh. C'est d'aller plus loin avec son vêtement. C'est le vêtement qui accompagne notre vie. Oui. C'est ça. Si on change pas de taille, c'est ce qui peut arriver. Comme ça oblige. Tu fais des retouches. Ouais. Si les hommes prennent un peu de bidou, à un moment donné, bon, on peut quand même rajouter un peu de tissu sur un pull ou sur un autre vêtement. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, ouais. On a. Alors, du coup, site internet ou. Alors, qui est important. On peut te contacter. Donc, tu as une page aussi Facebook, c'est oui. ça. Oui, hein, oui. Nini Gambette. On tout trouve tout simplement. Et là, c'est disons que c'est plus facile pour moi de gérer cette page pour l'instant que la mise en place du site internet, donc n'hésitez pas, on y retrouve facilement. Et d'accord. Le site internet ninigambette.com. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, on va s'écouter des sœurs. Les sœurs Andrews. C'est cela, The Andrews Sisters, avec mon accent magnifique, mon accent anglais, Boogie, Woogie, Bugle Boy and Company B. Écoutez, ça va vous rappeler quelque chose. Parfois le nom ne nous dit pas, mais après la musique, on l'entend. Allez, il nous reste une dizaine de minutes d'un coup d'œil dans le rétro, mes amis. À tout de suite. He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because Cause the next day the cap went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-de-la-da, toot, he blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie-woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump eight to the bar. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-da-da, do-do-da-da, do-do-do-do-da, he blows it eight to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Every night, and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. C'était The Andrew Sisters of Fadjet. Fadjet. Plus qu'une radio. Alors, comme on vous le disait bien juste avant, effectivement, c'est plus qu'une radio, parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous recevons une invitée, Nini Gambette, qui partage notre émission Coup d'œil dans le rétro, ce mois-ci, pardon. Et donc, on va, ce mois-ci, hein, voilà, effectivement, j'ai échappé le mot. Ça, c'était notre chronique, hein, qu'on a fait le mois dernier. C'est vrai qu'on a fait une chronique le mois dernier sur les slips. Bon, voilà, c'est pour ça, ça m'est resté, je suis désolé. Je suis désolé. Et donc, on va aussi, donc, parler, des sorties. Parce que ce mois-ci, je crois qu'il y en a plutôt beaucoup. Hein. Il y a pas mal de choses, effectivement. Donc, oui. Au niveau sortie et loisirs, notre radio, oui, Fadjet, hein, organise donc ses portes ouvertes demain samedi, à partir de midi. Donc, vous pouvez venir découvrir donc le nouveau logo. Le Fadjet, nous, voilà. On a vu, hein, effectivement, mais on ne le dévoilera pas. Rien du tout. Sauf s'il y a des mentalistes. Tout de suite après ça, donc, vous pourrez ensuite, vous initier à la radio à partir de 14h. Et à 13h, donc, Fadjet fait sa foire au disque et au vinyle. Et là, vous allez pouvoir venir dénicher toutes sortes de vinyles de toutes les époques. C'est génial. C'est génial. Et donc, effectivement, parce qu'ici, je pense qu'il y en a de pas mal d'époques différentes. Bon, la radio est depuis les années 80, mais je pense qu'il y a des bons vieux vinyles à dégoter, donc n'hésitez pas à venir. Donc c'est demain à partir de... Alors, il y a déjà des émissions à partir de midi, c'est ça. On découvre le logo, il y a des émissions à 11h aussi, en direct. Oui. Il y a une émission à 11h, le logo 12h, enfin midi, et 14h, de 13 à 14, on peut s'initier aussi donc à la radio. Mais aussi, si on a envie de danser, qu'est-ce qu'il y a avec Wilfried Dance? Alors avec Wilfried, vous pouvez... Non, non. Si. Si, si. Au classico. Oui, si. Ah oui, c'est ça. Oui. Nini, pour tout vous dire, Nini est en train de bouger les bras. Non, je ne crois pas, mais si. Et on avait regardé, sa soirée dansante au classico. Ouais. Hein, donc, de 22h donc, à 1h, vous pouvez effectivement venir vous initier et puis danser sur des rythmes rétro, donc avec Wilfried Dance. Mais ce qui a certainement posé problème, c'est que c'est pas demain, c'est ce soir, ça. Ça, c'est ce soir. C'est ce voilà, soir. C'est oui, ça. Oui, je suis un peu perdu dans les dates. Mais les 17, 18 et 19 octobre à l'Axou, que se passe-t-il, Anaïs? Alors, vous avez le 15e festival Swing, de l'Axou à l'Axou, où vous pouvez avoir plus de 60 heures de cours en un week-end. Des cours de Lindy Hop, Charleston, rock, etc. Donc organisé par Cap Danse. D'ailleurs, donc à ce festival, vous pouvez aussi retrouver donc notre invité Nini Gambette, qui va exposer sa collection. C'est ça, Nini? Oui. Et danser, les deux. Les deux. Bon week-end. Je vais me dupliquer. Tu vas te dupliquer. Donc on retrouvera toute ta collection. Enfin, tu viens avec la totalité. La totalité de la première collection. D'accord. Et puis donc aussi on pourra retrouver donc un bal rétro, ça dans un autre ordre d'idée, un bal rétro années 40 avec des cours de danse swing et charleston animé par Wilfried Danse. Oui, vous avez vu le mois dernier dans notre émission aux Trois Petits Points à Nancy. Et ça c'est le samedi 25 octobre. Voilà, donc c'est pas ce week-end mais le week-end d'après, effectivement. Et quoi d'autre? Beaucoup danser ce mois-ci alors. Bah, c'est vrai. On ne s'arrête jamais. Depuis qu'on suit effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent autour de la danse. Nous-mêmes, on s'initie un petit peu au rock and roll. On a commencé, quoi. On commence, on a appris les pas de base. Jusque-là. Mais il faut commencer. Il faut bien commencer. Et d'après le prof, effectivement, faut apprendre déjà bien les pas de base. C'est et vrai. Bien connaître cela avant de se lancer dans les passes en tout genre. donc effectivement, mais il y a un engouement certain, tu trouves pas, pour les danses chez les jeunes encore aujourd'hui? Oui. Mais c'est drôlement bien parce que c'est social. Oui. Et c'est un retour sur la communication et puis surtout le bon esprit, les good vibes. T'es aussi tu cites ceux qui pensent par exemple qu'aujourd'hui les danses sont très solo. Et oui. C'est vrai qu'effectivement parce que non mais s'agiter comme un poireau sur une piste de danse, ça crée juste du plaisir pour soi-même. Alors que quand on danse en couple, on a vraiment un plaisir partagé. Et au final, le partage, c'est encore ce qui coûte le moins cher à l'heure actuelle. C'est vrai. Donc, la crise fait que on a envie de ce partage. Et moi, je trouve que c'est chouette. On rencontre des gens qu'on rencontrerait pas dans la vie normale. Ouais, donc on enlève tout ce qui est barrière sociale. C'est une parenthèse enchantée. Effectivement. Et alors aussi, pour un autre point autre que sportif, en termes de déco, Vécom Vintage ouvre son nouveau local sur la zone Croix de Metz à Toul, qui est ouvert tous les vendredis. C'est cela. Et aussi sur Rendez-vous, le restant de la semaine. Donc il y a des possibilités aussi désormais d'acheter en ligne sur le site, c'est ça? Oui, nouveau site. Tout fraîchement refait. Nouveau site, vécomvintage.com. Alors si vous avez aussi la possibilité de sortir des contrées lorraines, ce qui peut vous arriver certainement. Vous pourrez aller aussi voir le salon du vintage à Paris au carreau du Temple ce week-end. 2000 mètres carrés de shopping sans exposants, mode, mobilier, vinyle et accessoires des années 50, 90. Est-ce que ce genre d'événement toi t'intéresse à grosse envergure comme ça? Déjà, c'est pas mes années, donc c'est déjà mort pour moi. On va jusqu'à 90, quoi. Ça y est, on est. C'est vrai que du coup, ça fait notre naissance est vintage. Fait un grand écart, 50 jusqu'aux années 90, n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que Nini, elle, c'est plus les années 30-40, si je ne m'abuse, et les années 50, où c'est plus les années pin-up qui ne sont pas du tout. Enfin, qui ne sont pas. Ouais, ne font pas partie de la référence. C'est plus. Toi, c'est plus la libération de la femme, la féminité. Mais la féminité qui sert, qui est utilisée, pas la féminité qu'on met derrière une vitre et qu'on ne touche pas. Oui, c'est un peu ce qui me dérange dans la mode pin-up années 50, c'est que c'est un retour provoqué de la femme à la maison, dans son corset, dans sa robe corolle, qui peut plus bouger, qui peut plus travailler, qui est juste là pour faire beau et s'occuper de l'éducation des enfants, de rester à la maison. Voilà. D'accord. Donc effectivement, alors même si il n'est pas trop pin-up, il y a quand même un spectacle manifestement aussi à Strasbourg, à l'espace culturel Marceau, samedi 1er novembre, un grand show burlesque des pin-up d'Alsace. Le tarif est de 10 €. Vous pouvez en savoir plus sur pinupdalsace.com, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. C'est cela même. Bon, ça va bientôt être terminé, j'ai l'impression. Ça passe trop vite. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On vous donnera aussi plus d'informations. On peut venir te voir sur ta page aussi Facebook fan. On peut discuter avec toi au-delà de ça. Plaisir. Suite à l'émission. Je pense que c'est plutôt cool. On est très heureux. En tout cas, on te remercie d'être venu qui est notre troisième invité en un an et demi. Après Oui et aussi V comme Vintage. Et comme c'est bientôt Noël, hein, parce que dans un mois et demi on y est, n'hésitez pas, je pense que si vous voulez faire des cadeaux un cadeau original, soit pour un enfant ou même pour une personne que vous aimez, que ça soit une femme ou un monsieur, n'hésitez pas à pousser la porte et puis à contacter Nini Gambette, parce que je pense que ce genre de petit cadeau, ça fait plaisir, c'est une pièce unique et moi ça me ferait plaisir, tu vois, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Message subliminal. Je t'envoie un message. Voilà mes petits chéris, voilà, j'avais envie de dire ça. Merci à vous pour cette belle émission. Merci à toi Anaïk. On se retrouve le mois prochain, le 21 novembre pour l'avant-dernière émission donc de l'année. Et Nini Gambette aussi, merci beaucoup Mélanie. Merci, moi qui vous remercie d'être venue parmi nous, et on la reverra peut-être dans des projets futurs, on vous en dira un petit peu plus. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. À bientôt les amis, tout de suite c'est les voyages de Pascal en Bulgarie. Bon mois à tous, ciao.